l'anniversaire de Quentin, j'ai été invité. Alors j'y suis allé. Et tout le monde dansa, oui mais pas moi. Je m'occupe en silence, en mangeant les crottes de nez, et je parle avec René. Taille de pochon, les CD d'Alain Souchon, les cassettes vidéo. Ah, il y avait Clara et Mathieu l'embrassa, et tout le monde dansa, oui, mais pas moi. S'embrassa, la terre s'illumina, le soleil rayonna, pourquoi pas moi. Le pâté de foie gras, samedi le cinéma, Jésus, Marie, Geneviève, pourquoi pas moi.